J'arrive à pic quand y'a plus rien dans les cœurs. Marine la bitch dans les urnes. Plus de guns, plus de keufs, plus de types du père. Pour ça qu'on voit plus de guides, plus de sites pour faire de tout art un truc de geek. Nous endorme et je reste insomniaque. Si le savoir est une arme, je suis un bosniaque. Plongé dans un sautniaque. Y'a rien de neuf, pourtant je buzz par l'enceinte. Au 39-49, c'est 39-45. Je tombe à pic, putain. Casse des portes en série chère. Le ghetto français rit jaune. On se époque en série chaîne où ça se gangsterise. Trop de minots qui arrachent le fric. Tu peux te faire kalachniquer ailleurs qu'au barrage de flics. Un billet pour Bangkok, portail à massage de bite. Un plan coke, tu gamberges comme à chaque passage de Brinks. La rime à risque, si j'écris, c'est que j'ai le blues. J'arrive à pic, genre un creep chez les blues. Tête baissée, j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand y'a plus de taf, plus de love et plus de lové. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé. Blessé, j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand la roue bloque, elle est même sur le point de crever. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé. Ouais, mec, j'arrive à pic, telle une bonne reprise de voler. Ma vie n'a pas de prix, personne ne pourrait me la voler. Je voulais gravir les sommets. Donc j'ai appris à tout donner. Quand les fautes se reproduisent et que les hommes se disent désolés. À tsunami de trop, du coup le vase a débordé. Depuis que le monde court dans tous les sens comme la famille Bordée. J'avance lentement, à pas de géant autant que le potolé. J'y gagnerai rien de saouler, j'suis pas le gérant du potolé. Et désormais, à chaque projet j'inviterai le progrès. Quitte à coller à procès, au bureau du maître Bordé. La marée chaussée, les huissiers, les barreaux dans la marée co. Les journaux qui se battent à pas de baratiner la même chose. À se faire la peau pour savoir qui est meilleur ou pire que l'autre. J'aurais pu tuer de sang froid le chirurgien de Birkenau. Allons demander aux gens de 1940 ce qu'ils en pensent. Et que le Seigneur les entende avant de prononcer ma sentence. SPC, j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand y'a plus de taf, plus de love et plus de lové. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé. Blessé, j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand la roue bloque, elle est même sur le point de crever. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé. Je ne dirais pas que le rap m'a attendu, m'appelle. J'arrive à pic ou pas, ou peut-être sur un malentendu. Je m'arrête pas au ragot. Tous mes gars au rappeur ont fraternisé. Je n'oublierai jamais tous ceux qui m'ont tendu la perche. Je taffe et quand leur sonne pour les miens, je fais parler la plume en leur nom. Pour retrouver le sourire, j'ai gratté tant de ces sombres en plein temps. J'ai pas le plein underground que ces cons ne le profanent pas. Ou j'irai cracher devant leur tombe. Pour tomber à pic, j'ai dû guetter le moment propice. Certains de mes frères sauront te le dire. Écorché vif, j'ai bouffé le gravier, le ventre vide. Étouffé le brasier pour m'éloigner de l'enfer et qu'on pardonne. Si je m'absente tous les vendredis, ma rime s'agite, j'ai de la dynamite planquée sous le 3K. Accompagné de mes chiens, tu sauras qui demander. Crois-moi, je voudrais partir en paix. Ma bande de soifards à mes côtés, rappelez le rap et dites-lui qu'on arrive à paix. Tête j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand y'a plus de taf, plus de love et plus de lové. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé. Blessé, j'ai que mon joint de lever. J'arrive à pic quand la roue bloque, elle est même sur le point de crever. Y'a pire, mais bon, y'a mieux aussi, on se laisse dresser. Non, j'ai pas d'or au bout des doigts, mais j'ai le troisième dressé.